Comme une oreille. Une émission de musique. Une émission de musique. Une émission de musique sous licence libre. Bonjour, c'est Comme une oreille, émission de promotion de musique sous licence libre avec Florian et Jean-Baptiste. Salut à vous. Émission de mai 2018. Mai 2018. Non, c'est non. C'est ce qu'on entend derrière. Non, c'est non. Non, pourquoi non? Bah, on avait envie d'être dans la négation, de prendre aussi la thématique de la fête du livre jeunesse qui a lieu à Forcalquier-Manosque durant ce mois de mai, et voilà, questionner notre rapport au non, au no, et voilà, à la négation, au refus. Et vous allez avoir une belle programmation éclectique de musique sous licence libre, donc de gens qui refusent de laisser leurs droits être gérés par une société de droits d'auteur, comme en France la SACEM, en Italie la SAIE, c'est ça. On aura un morceau autour de cette thématique-là, justement chanté par un collectif de rappeurs italiens. Et là, en ce moment, on est en train d'écouter Radioactive Sparrow. C'est de la musique improvisée, comme on peut l'entendre, c'est très expérimental. Et ça vient du Pays de Galles. C'est issu d'un album qui s'appelle Lifetime Achievements Awards, sorti en 2009 sur le label Cacutopia. Enchaîné avec deux morceaux là, pas du tout dans la même ambiance, un qui s'appelle No Means No de The Freak Fandango Orchestra, qui est un groupe de Barcelone. C'est tiré d'un album qui s'appelle Tales of a Dead Fish 2011. Il y a beaucoup de trompettes dedans. Et ensuite, on écoute Medra avec Non Terrais, qui vient aussi d'Espagne, de Galice, avec un petit ambiance ska rocksteady, la chanson Non Terrais. They were in his car and they wanted more. She said no, wait, it's just where it has been. You know that no means no. But he went on, this was his fault. She smiled at him while she got through the road. Don't you know that no means no? Medra non terrayes. Non terrayes, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Voilà, vu que c'est un, ils sont de Galice, ils doivent parler une langue locale d'Espagne, peut-être le basque. Peut-être ça veut dire non terrayes en espagnol, c'est ne te gratte pas ou ne te frotte pas. Voilà, en tout cas, le nom est bien présent. Voilà, un petit groupe de steady reggae. Et pour dire quelques mots sur le groupe, on a trouvé sur, on vous parle souvent des sites qui sont sur les musiques en licence libre. Et donc celui-là, je l'ai trouvé sur Dogmazic. Sur Dogmazic.net. Donc Medra est un groupe de reggae de Galice qui s'appelait avant Polas Lameras. Et voilà, ils utilisent différents instruments, dont des instruments moins, on va dire, commun que ce qu'on peut trouver habituellement, dont le ukulélé et la kalimba, ce petit instrument que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, ce petit truc très fine, petite percussion, et que, voilà, en tout cas, vous pouvez les retrouver avec ce côté un peu entraînant qu'avait du rocksteady, qui était issu des vagues reggae jamaïcaines, pour les gens qui ne sauraient pas, et donc vous les trouvez ouais, sur ce site dogmazic.net, où on va chercher quelques groupes et quelques nouveautés. Dogmazic.net, c'est que des musiques sous licence libre, et là le nom ils en étaient pourvus quoi. Mmh. Voilà, vous pouvez les écouter ou les télécharger gratuitement. Ouais, c'est l'association Musique Libre avec un point d'exclamation qui l'a créé, ce Dogmazic. Et c'est une des premières associations françaises de défense des musiques sous licence libre. Qui avait commencé à faire des bases de données comme ça, vraiment très conséquentes, qui avait dû arrêter pendant quelques années parce qu'ils n'avaient plus de serveurs. Et puis là, ils ont tout remis en ligne et avec bonheur. On trouve plein de choses vraiment bien. Et là, c'était sorti en 2010. Il y a un label aussi, Noise Productions. Voilà. Voilà pour Medra. Voilà pour Medra. Terrayes. Et on écoute maintenant un jeune homme belge, trouvé également sur Dogmazic, qui nous vient de Braine-le-Comte, en Belgique. Il s'appelle Danny C. Et il chante... Je dis non. Là, on est vraiment... Et voilà comment on essaie de... Tu dis non. Tu dis non. Et oui, pardon. Justement, lui, il aimerait dire oui. Et voilà, on a dit on est éclectique au niveau... On était en Espagne, on revient en Belgique à la chanson... francophone et aussi multi-âge. Hein. On voyait une petite photo sur le Dogmazic, donc il doit tourner de pied un petit moment. Voilà. Voilà. Et puis ensuite, on enchaînera avec, alors on retourne dans le sud du coup, avec Stealing Orchestra, qui est un groupe portugais qui fait de l'électro, du collage sonore. Stealing Orchestra, c'est eux qui ont monté le label You Are Not Stealing Records, et c'est tiré d'un album qui s'appelle Stereogamy, assez ancien, sorti en 2000. Et le morceau s'appelle No. Have you seen God? Who? That rich... il est hyper long le texte. That rich bloke that has the world built. Voilà. Donc on écoute ça. Danny C, d'abord tu dis non, et ensuite Stealing Orchestra. Ma main sous les draps, et voici la nuit, et voici la nuit qui nous conduit au lit, où dans l'amour et ses merveilles, c'est si bon de trouver le sommeil. On vient d'écouter Non mais ça va pas de Gippy Gippy Aïe Aïe Aïe Coucou. C'est pas très long. Une petite virgule sonore aussi trouvée sur Dogmazic qui nous a bien plu dans ces expérimentations sonores. On donnera pas d'étiquette, nos styles. Et avant il y avait Stealing Orchestra avec No, Have You Seen God, Who's That Rich Bloke Who Built the World. Et puis Danny C avec Tu Dis Non. Imparable chanson française pour les amateurs du style. Voilà. On va encore changer de style, on va passer en musique électro, plutôt ambiante, vraiment tranquillou, avec science non-fiction. Non-fiction de Hassan Keep You Made. C'est encore trouvé sur Dogmazic, ça. C'est tiré d'un album qui s'appelle Le Lac de Sonido, sorti en 2008. Et c'est Desmond Hollins qui l'a composé. Et ensuite, on écoutera The Cute Lepers, qui est un groupe de Seattle, enregistré en live sur la radio WFMU aux États-Unis, dont on a déjà parlé maintes fois dans cette émission Commune Oreille, avec un morceau qui s'appelle No, No, No, qui est donc bien dans le thème. Voilà, triple No. Aside from Gen X. Competition, what you got is reputation. No, no, no. image qui fonctionne bien, bien, bien là. Non, non, non, de The Cut Clippers. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Zinzine avec Comme une oreille, mai 2018, autour de la thématique du non ou du no. Voilà, on avait du rock garage avec The Cut Clippers. Avant, pour rappel, c'était le groupe E5 Keep Humad avec Science Non-Fiction. Voilà, qu'on a dégoté, oui, comme tu disais, de Desmond Hollins sur dogmasic.net, pardon, que vous pouvez retrouver en écoute et téléchargement. Et comme on est autour de ce nom, bah, on continue avec du rock stoner, on en passe pas beaucoup. Avec quel groupe ? Tout à fait, oui, c'est un groupe qui s'appelle Refaction Family, qui est un groupe russe, qui fait du rock stoner bien, bien lourd. Là. Le morceau s'appelle Not OK. Et ça fait partie d'une compilation éditée par le label Clinical Archives, qui est un label qui diffuse de la musique sous licence libre. Et on a trouvé ça sur Free Music Archive. Ah, quand même, notre bible. Puis le rock stoner, pour les gens qui ne connaîtraient pas, vous allez entendre, c'est un rock un peu posé, lourd, mais je ne me rappelle plus des groupes très connus. Donc un groupe suédois, mais peut-être tu vas me rappeler, tu vois. On va essayer de les retrouver pendant la pause. Et après ce groupe-là, on enchaînera avec Petra Piedbich, qu'on a eu l'occasion de voir il n'y a pas longtemps dans un des concerts de Comme une oreille, qu'on va revoir bientôt, avec une chanson qui s'appelle Bébé. Alors vous nous direz quel rapport avec la thématique du nom, mais on vous laisse écouter, vous allez voir, c'est très revendicatif à Petra Piedbich, une auteure, compositrice, musicienne vraiment hyper intéressante. Toute seule avec un synthé et une batterie. Donc on écoute là du coup Refaction Family, les Russes, et ensuite Petra Piedbich, Not OK et Bébé. Thank you. ça, je ne veux pas, c'est mon droit. Non, non, niet, nada, no, nan, dameda. Si tu le comprends, c'est bien, sinon, ça ne change rien. C'était Petra Piedbiche avec la chanson Bébé. Vous aurez compris le rapport au nom et nos. C'est issu de son album Barre de Rire qui a été enregistré entre 2013 et 2015. Vous pouvez la trouver. On a son CD vu qu'on l'a récupéré lors de son concert à Fort Calquier. Et vous pouvez la trouver sinon sur bandcamp.com. Donc là qui n'est pas spécifique sous les musiques sous licence libre. Mais nous on va piocher et on trouve quand même différents musiciens et groupes. Sur ce bandcamp.com qui est quand même là une diffusion d'une multitude de groupes de musique et souvent très intéressants qui sont en musique libre ou pas. Voilà, donc c'était Bébé de Petra Piedbiche issu de son album Barre de Rire. Voilà. Et maintenant on va écouter Rap Cavernap aussi. Ah ouais, je suis très content d'avoir trouvé ce groupe-là de hip-hop italien. Parce que j'ai essayé de trouver du hip-hop parce qu'on essaie de varier les styles comme on vous le dit. Sur la thématique qu'on choisit à chaque fois, et j'ai essayé de trouver du hip-hop et les trucs revendicatifs de noms, je pensais trouver facilement. J'ai trouvé une compilation de hip-hop underground et impossible de trouver une chanson qui tenait à la thématique, mais j'ai réussi à trouver avec Caverna Possi qui là sont des hip-hoppers italiens très engagés. D'ailleurs leur chanson s'appelle Non Siamé et on a vérifié avec des amis italiennes, la SIA c'est l'équivalent de la, on va dire peut-être de la SACEM, de la Société d'auteurs et éditeurs d'Italie, et voilà, eux ils s'y opposent et leur album, leur chanson est issue d'une, on y reviendra après, mais d'une compilation Oui c'est ça, mixtape from the Barricades elle s'appelle, et présentée par MC Caserio qui est le collectif un collectif de rappeurs militants dont Rap Cavernap aussi fait partie là, du coup, et qui fait pas mal de choses visiblement. Ils organisent des concerts, ils ont un début de label là, qui c'est leur tout premier disque, cette mixtape là, avec l'idée de poursuivre derrière l'édition, je crois. Donc c'est une mixtape qui est sortie en 2016. Voilà. Et après on enchaînera avec une petite surprise Ouais, oui. D'accord. Petite surprise animalière. Donc tu veux laisser à moi que tu veux l'annoncer. Non, non, vous verrez. Allez, donc Rap Cavernap aussi, Nancy Aimée. Strana sta trama, figli di puttana fanno la grana, gli stessi da cui prendo la paga, che gli è mafia, non approvo, non ti pago, non depongo sti testi, nel vostro covo entro armato per lasciare solo testi, agisco per conto mio, non per conto terzi, non accetto compromessi, promesso, squaglio sugar su una stagna per conflitto di interessi, CIA, stupidi netti, alterano economie, ispettori, sti gran cazzi, strategie, tecnologie, non immuni da ciò, in sella dinosauri, in culo alla bella pensione di Gino Paoli, questo bla bla non mi attrae, anzi mi indispone. Società nel mirino, nulla mi distrae, ottimo tiratore, come Bino e Rai, penso a questa situazione, voglio già per i miei diritti, fanculo alla CIA e citazione. Fanculo a tutti, ne porto giusto un paio, lucenti e splendenti come pendenti in oro e acciaio, giro con la fosse, mica con Tizio Caio, Sempronio, Muglio, stile ostile come Tullio, questo è il made in Italy, che mi rende fiero, 16 barre per te, bella Caserio, puntiamo a far la storia perlomeno, ad una statua equestre come Marco Aurelio, con lo stereo. Fondamenta underground, col cazzo che le sfondi, legato a questo come Bondi, a Silvio con un Bondi, ciò che resta è chiuso la testa in fin dei conti, sto con gli intelligenti, mica coi militondi, Flintstone, Goodfellas, dimmi se manca niente, la in Rude Rallis, eccezionale veramente, lo so, non lo sapessi ma lo so, che alla fine tutto torna tranne i due marò. Ci muoviamo nel sottosuolo, sotterranei come rapi, voi superficiali, all'apice della superficie come rapaci, detta parte a fare che rapi per fare apparizioni, major muori, credi nella merda delle illusioni, major voli, discografiche etichette, un misto di liscio, disco, lacrime e pugnette, soltanto per vendere gadget. Rendi conto che rendi conto, sono i rendiconti, ma ti mancano i contanti nel controcorrente indipendenti. Figli di troia qui, ti risucchio royalty, io non pago mica finti diritti per esprimermi. E via vai, ispettore di ispezioni come si è sai, spezzano espressioni non si ha mai. Noi mariaci in questo mondo di pagliacci, figli a macaci, inni nazionali, multinazionali e taci. Si abbracci l'idea di starci nella marea del music big, di maschere che maschere, veri ladri. Nel bordello del rap trovi gli MC che detesto, stanno in ogni palinsetto e preferisco palintesto al loro testo. Resto come Cristo a ribaltare i tavoli dei mercanti, capisco voi contanti, ma una cultura che è davanti. Non puoi pensare di sfruttarle e farla liscia, anticapitalista e rap caverne, chi si vende prende piscia. Vogliono chiudere l'hip hop in un contratto, ma è un gioco delicato, consigliato avere tatto. Chi troppo vuole nulla stringe e diventa nullità, chi segue il troppo pubblico è già pubblicità. C'è chi cerca e trova sfarzo, lusso e successo, io cerco me stesso e mi ritrovo tutto smarto sul cesso. Come compagni produciamo tra le dame squallore, ma comunque non si dorme avanti tutta fino alla rivoluzione. Non si ha e mai, porta solo guai, chi incula noi diritti e tu manco lo sai. Dai! Non si ha e mai, porta solo guai, chi incula noi diritti e tu manco lo sai. Dai, dai, dai, dai. Pa c'était la petite surprise musicale. Mais oui, marchons joyeusement. À l'abattoir. Voilà, c'était donc le compositeur s'appelle Me. Alors en fouillant un peu, c'est un Daniel Armbruster qui est compositeur de ce morceau, qui est franchement pas mal. Hein. D'électro, fait avec des instruments MIDI dans son appartement, et qui tient un label qui s'appelle Mon Pauvre Lieu, les productions Mon Pauvre Lieu. Et dessus, il met toutes ses productions musicales. Il y a une trentaine d'artistes, je crois, de référencés. À chaque fois, c'est lui, tout seul. Voilà, c'est un morceau qui date de 2011. Voilà, il voulait rester anonyme, mais t'as réussi à le pister, quoi. Mais il a fait une interview sur Dogmazic. Dogmazic, du coup, dont on parlait tout à l'heure, là, cette base de données de musique libre. D'accord. Voilà. Et c'est là que j'ai retrouvé ça. Et juste avant, pour rappel, donc c'était Rap Caverna Posse, ouais. Qui est donc qu'on a trouvé sur bandcamp.com et qui est issu d'une compilation mixtape from the Barricade. Et vous pouvez les écouter donc sur ce Bandcamp. Et voilà, on parle souvent des musiques sous licence libre. Pour rappel, ça ne veut pas dire que les groupes mettent tout à disposition gratuitement. Là, il y a certains droits réservés. Bon, donc vous pouvez utiliser leurs chansons, vous pouvez les remodeler, les remixer, mais vous pouvez aussi acheter l'album. Il y a quand même pas mal de groupes qui essaient aussi de vivre un peu de leur musique. Et donc là, c'est possible d'écouter en ligne ou d'acheter l'album ou la piste, parce que comme disait Jean-Baptiste juste avant, c'est différents groupes qui sont sur cette compilation. Et la chanson s'appelait Non Siamé, donc contre les sociétés d'édition. Donc on est en plein dans le thème, et avec un visuel, vous verrez, très très, on va dire, anticapitaliste. Ah ouais. lutte de rue et bien armé, avec du rouge et du noir partout. Et pour ce disque-là, en particulier, on peut l'acheter aussi en version CD. Mais bon, il faut se manier un peu parce qu'il n'y en a que 10 exemplaires et il n'en reste plus que 5. Voilà. Ça va, ça fait 50%. Ouais, voilà. Et alors, on va écouter un morceau maintenant. J'aime beaucoup le titre, c'est « Tu n'as pas de nom », non, N-O-N. Je trouve très joli ce titre. Et c'est un artiste parisien qui s'appelle Mon Plaisir, qui est un artiste extrêmement prolifique, qui diffuse lui aussi. Du coup, il fait sa musique tout seul dans son appartement avec différents outils. Hein. Des fois, c'est de la folk. Là, en l'occurrence, c'est avec une guitare. Des fois, c'est de l'électro. Pas mal de noise, des choses assez expérimentales. Là, on est plutôt dans un registre lofi. Pour ce morceau là, Tu n'as pas de nom, voilà. Et il a une bonne cinquantaine d'albums à son actif, tous disponibles sur Free Music Archive. Voilà, c'est Mon Plaisir, on va écouter ça. Et puis ensuite, on écoutera un dernier morceau, ou avant-dernier peut-être, on verra, d'un artiste qu'on aime bien qui s'appelle Osso El Roto, qui lui aussi fait de la musique lofi tout seul, donc c'est Ours, je sais plus ce que ça veut dire, Roto. Oh, l'ours fracturé. Fracturé, oui. Et lui, là, par rapport à la thématique, qui est donc une thématique du nom, on a trouvé un morceau qui refusait cette thématique, ça s'appelle Ok Dak. Voilà, c'est le contre-pied. Thank you. fait, on n'a pas remis tout à l'heure les groupes phares du mouvement stoner rock. C'était Soundgarden, et puis là, un groupe très connu, c'est Queens of the Stone Age. Voilà, pour l'aparté. Et sinon, donc là, à l'instant, on vient d'écouter Osso El Roto. C'est un morceau, donc Ok Dak, en contre-pied à la thématique du nom de cette émission Commune Oreille de mai 2018. C'est un morceau qui est tiré de l'album Iceberg, A-I-L-S-B-E-R-G. Sorti en 2010 sur le label de Osso El Roto qui s'appelle Los MS del Osso. Voilà, on en arrive à la fin de cette émission de mai 2018. Non, c'est non. Comme une oreille, musique sous licence libre. On dit que ça avait été évoqué par la fête du livre et cette thématique qui a lieu actuellement, mais aussi il y a une chanson qui s'appelait No Means No qu'on a passée sur cette playlist, Petra Piedbich en a une qui s'appelle comme ça, et aussi parce que c'est un de tes groupes favoris qui n'est pas sous licence libre, mais No Means No, groupe mythique des années 90, fin des années 70 déjà, et jusqu'au milieu des années 2000. Voilà, pour la partie. Bah, on va terminer avec une chanson d'un artiste qu'on a trouvé aussi sur Dogmatic, qui s'appelle Aorist, et la chanson s'appelle Nonsense. Voilà. Pour cette fin de thématique, non, c'est non. Émission comme une oreille thématique, non, c'est non. Vous avez pu entendre dans cette émission une musique improvisée qui s'appelait No par Radioactive Sparrow. Ensuite, c'était No Means No par The Freak Fandango Orchestra. Ensuite, c'était Metra avec Non Terrais et Danice, tu dis non. Ensuite, No Have You Seen God Who That Rich Bloke Who Built the World par Stealing Orchestra. Puis une petite virgule qui s'appelait Non mais ça va pas par JPJPIII et coucou. Ensuite c'était 5 Keep Humad avec Science Non-Fiction et The Q-Clippers avec No No No. Et Not OK par Refaction Family et Bébé par Petra Piedbich. Le rap Caverna Possi pardon, avec Non Siamé d'Italie et me non si mais oui ou marchons joyeusement par l'abattoir et puis tu n'as pas de nom par mon plaisir Ok Dak par Osso El Roto et en ce moment Nonsense par Aorist. Comme une oreille est rediffusée le dimanche soir sur Radio Zardine, puis ensuite vous pouvez trouver c'est tous les deuxièmes lundis du mois, donc on se retrouvera le mois prochain. Et puis vous pouvez retrouver l'émission en ligne sur le site de Radio Zinzine, sur le blog aussi communeoreille.blogspot.fr et sur les radios Amis, Ondes Courtes et Radio Campus Pau. À bientôt. Une émission de musique sous licence libre.